de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, à l'ère de la surveillance numérique, une série d'Antoine Tricot réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a le confinement qui nous a contraints au virtuel, les grandes oreilles de nos téléphones, les méchants GAFA et notre capacité à s'indigner qu'on lorgne sur nos données tout en nous roulant dans les réseaux sociaux. Alors pour commencer, les personnages. Une pisteuse de pisteurs, un documentariste qui questionne, un directeur du numérique qui explique, un publicitaire indépendant, un chef de service qui protège, un ingénieur déçu, un historien des sciences qui balance et un chercheur qui détricote. Ensuite, le décor. Des applications, Radio France, des cookies, la CNIL, des données, le capitalisme, une gratuité suspecte, des algorithmes, YouTube, la Silicon Valley et des data centers. Aujourd'hui, premier épisode, on vous dit tout. Je suis Antoine Tricot et vous écoutez la série documentaire « À l'ère de la surveillance numérique ». Et c'est réalisé par Rafik Zénine. Je passe ma vie sur Internet. J'utilise mon smartphone et mon ordinateur plusieurs heures par jour, pour mon travail de journaliste mais aussi pour mes loisirs. Et cela ne s'est pas arrangé depuis l'épidémie de Covid-19. Avec l'affaire Snowden, le scandale Cambridge Analytica ou encore les révélations des spy files par Wikileaks, j'ai pris conscience que mes activités sur Internet étaient surveillées. J'ai beau le savoir, je ne fais pas grand-chose pour l'éviter. Dans ma tête, c'est comme si c'était le prix à payer pour aller sur Internet. Je continue à poster mes coups de gueule sur Facebook, je consulte Twitter plusieurs fois par jour, je commande des pizzas sur Internet et je fais des milliers de recherches sur Google. Mais depuis le premier confinement, en mars 2020, quasiment toute ma vie est passée par mon ordinateur et mon smartphone. Et depuis, les questions se bousculent dans ma tête sans que j'arrive à les ignorer. Parce que c'est quoi en fait une donnée numérique? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qui les surveille et à quoi ça peut servir? Et puis, est-ce que c'est vraiment dangereux cette surveillance numérique? J'ai donc décidé de remonter la trace de mes données personnelles. Épisode 1, le capitalisme de surveillance. Tout a commencé avec mon smartphone. Je l'ai confié à Esther pour savoir ce qu'il dit de moi et s'il permet de surveiller mon activité numérique. Esther nous accueille dans un appartement d'une ville de l'ouest de la France où un gros chat règne au milieu de nombreux ordinateurs. Elle est experte en cybersécurité et membre fondatrice d'Exodus Privacy. Cette association a créé une application du même nom pour les téléphones Android. Elle permet de voir les pisteurs publicitaires contenus dans nos smartphones. Esther, ce que je vous propose, c'est de vous confier mon téléphone portable avec tous mes secrets dedans pour me dire combien justement j'ai d'applications qui ont des pisteurs dessus et quelles données sont récoltées sur moi tous les jours quand j'utilise mon smartphone. Ah, déjà, je vois vos yeux absolument horrifiés devant mon téléphone. Pourquoi? Bien, parce que je reconnais quelques applications dont je sais la capacité à engranger de l'information. Alors justement, quand on lance l'application Exodus Privacy, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lister toutes les applications qui sont installées sur votre téléphone, et puis demander au Exodus, donc la plateforme qui est en ligne, si il existe un rapport d'analyse pour chacune de ces applications. Voilà, donc par exemple, Adobe Acrobat, 7 pisteurs, 19 autorisations, Deezer, 13 pisteurs, 21 autorisations. Discord, 5 pisteurs, 21 autorisations. Exodus Privacy, 0 pisteurs, 2 autorisations. Un pisteur, c'est un bout de code informatique embarqué dans celui de l'application et qui permet de renvoyer à un serveur un certain nombre d'informations. Ces informations peuvent être des données d'usage, qui sont anonymes et utilisées pour savoir si l'application fonctionne bien. Mais il y a aussi des données personnelles, qui concerne mes centres d'intérêt, mes informations de santé par exemple, ou mes réseaux de relations amicales. Une autorisation ou permission, comme les appelle Google, c'est ce à quoi l'application a le droit d'accéder sur mon portable. Par exemple, le droit de prendre une photo, de consulter ma galerie d'images, d'avoir accès à mes contacts ou à mon micro. En fait, il y en a énormément et c'est assez difficile. Enfin, moi, je ne les connais pas toutes en tête. Hein. Mais là, par exemple, HMS Core, 7 pisteurs, 136 autorisations. Je ne sais pas, je connais pas cette application-là, je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais 136 autorisations, ça me paraît beaucoup, quoi. Et donc, dans les 136 autorisations, il y a récupérer en arrière-plan votre géolocalisation, qu'elle soit fine ou grossière, lire l'état de votre connectivité réseau, si vous êtes connecté en Wi-Fi, récupérer certaines informations relatives au réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté. Activity recognition, par exemple, c'est reconnaître l'activité physique que vous êtes en train de faire. Et donc, c'est par exemple, l'application peut savoir si vous êtes en train de courir, marcher, dormir, être assis, monter des escaliers, ah oui, être à vélo, etc., etc. Je me dis, les reconnaissances d'activité, c'est quand même très intrusif. Oui, je comprends. Après, est-ce que une application telle que celle-là peut savoir que c'est moi, Antoine Tricot, qui est en train de bouger, ou est-ce que c'est des données anonymes? Alors, bah, je ne sais pas exactement, en fait, de quelle manière sont utilisées les informations concernant votre activité physique. Est-ce que ces informations-là restent simplement au niveau de l'application et ne sont pas collectées et envoyées à un serveur tiers? Je ne sais pas. En fait, pour savoir si l'information est transmise à un serveur tiers, il faut analyser en fait le réseau, les communications réseau qui vont être établies entre l'application et des serveurs sur Internet. Et puis ensuite, pour chaque communication réseau, allez voir quel type de données est transmis. Est-ce que il y a un identifiant unique qui vous identifie, soit en tant que personne, soit en tant que mobile? Il est difficile de savoir quelles informations sont collectées. Ce qui me perturbe aujourd'hui, c'est le flou qui entoure les outils numériques que j'utilise au quotidien et dont je ne connais pas le fonctionnement. J'en ai beaucoup, c'est ça. Oui, c'est mon outil de travail, donc forcément j'ai énormément de choses dessus. Bah le gros avantage, c'est que vous devez être extrêmement connu. Parce que par exemple, l'application Orange pour gérer vos mails a quand même 6 pisteurs juste hein, pour lire des mails et 38 autorisations juste pour lire des mails. Ça peut poser question. D'ailleurs, si on regarde le nombre de pisteurs qu'il y a, jusqu'à présent, on voyait plutôt 6, 7 pisteurs sur les applications. Deezer en embarque 13, mais il me semble que l'application sur mon téléphone qui en embarque le plus n'est autre que celle de Radio France, pour qui je travaille, qui a 23 pisteurs. Mmh, c'est un joli score, puisque visiblement Radio France donc, a décidé de travailler avec plusieurs entreprises comme Amazon, Amplitude, Applovin, At Internet, Batch, Criteo, du Facebook, Fleury, Google, Huawei, IAB, Madvertise, Augury, Smart, Twitter. Que font ces pisteurs en... J'ai l'impression que je vois beaucoup de Advertise, c'est beaucoup de publicité donc. Alors oui, effectivement, ça a l'air d'être principalement pour de la publicité. On a quand même de l'analytics hein, avec Facebook Analytics, Firebase Analytics. L'analytics, c'est plutôt savoir comment vous utilisez l'application. Quelles sont les vues dans l'application que vous préférez, ou celles que vous n'allez pas, etc., etc. Il y a aussi de l'analyse de comportement, donc c'est-à-dire comment vous, en tant que personne, vous vous comportez face à l'application, notamment via le pisteur Augury. Voilà, donc il y a aussi la publicité fournie par Twitter. Enfin voilà. 23 pisteurs dans une application, c'est pas une erreur d'inattention. Alors donc faut que j'aille demander à Radio France pourquoi il y a tant de pisteurs dans mon application alors. Oui, je pense que c'est une excellente idée d'aller faire un petit tour dans les couloirs de votre lieu de travail, rencontrer vos collègues, faire peut-être ce même genre d'interview ? Je vous avoue que je ne pensais pas que cette exploration allait me ramener aussi vite à la maison de la radio. Intrigué par cette présence si importante de pisteurs dans notre application, je suis donc allé voir Laurent Frisch. Il est directeur du numérique de Radio France et en ce sens, responsable de l'application. On a des pisteurs liés à la publicité. On a de la publicité dans l'application Radio France. La plupart des applications de médias en ont d'ailleurs et vivent, ou en tout cas cèdent de cette publicité pour vivre. Et ces pisteurs-là, eux, effectivement, remontent des données qui ne sont pas réellement des données personnelles. On ne verra pas votre nom, votre prénom, votre âge, votre situation maritale ou je ne sais quoi remonter à des serveurs publicitaires. Par contre, ce qui remonte, c'est un petit bout d'information qui permet d'identifier votre appareil. Et il y a quelques finalités à ça. La première, c'est pour les annonceurs de ne pas renvoyer trop de fois la même publicité à la même personne, mais peut-être même de pouvoir réenvoyer quand même la même annonce à quelques jours d'intervalle. Il se trouve qu'on a dans notre application un certain nombre de pisteurs parce que Radio France ne vend pas elle-même, ne commercialise pas elle-même ses publicités et s'appuie sur ce qu'on appelle une sous-régie, donc une agence qui va exploiter un inventaire publicitaire, des espaces publicitaires et qui elle-même utilise plusieurs technologies. Et c'est ces plusieurs technologies qui composent plein de pisteurs que vous voyez dans l'application. Nous, on exige quand même, vis-à-vis de cette sous-régie, qu'il n'y ait aucune donnée autre que celle que je vous ai dite, un identifiant de l'appareil, et que par ailleurs ces données ne soient conservées que le temps nécessaire pour mener des campagnes publicitaires qui est de l'ordre de 3 ou 4 mois. Aujourd'hui, nous-mêmes, avec les données qu'on récupère, on est incapable de faire une segmentation, de savoir si on parle à un homme, une femme, jeune, âgé, parisien, urbain, etc. On ne le sait pas et les annonceurs ne le sauront pas non plus. Les annonceurs ne savent pas quelle émission de radio j'écoute. L'exemple de Radio France me montre qu'il est apparemment possible de limiter au maximum la récolte des données personnelles sur une application. Je me doute que toutes les entreprises ne le font pas ou n'ont pas intérêt à le faire. Pour comprendre quelles données intéressent les régies publicitaires et comment, techniquement, elles peuvent les récolter, je suis allé voir Gonzague de la Tournelle. Ce quadragénaire barbu a commencé à vendre de la publicité sur téléphone mobile à l'époque où Nokia était encore leader sur le marché. Aujourd'hui, il est le directeur général de Madvertise, la sous-régie dont parle Laurent Frisch qui gère les espaces publicitaires visuels de l'application de Radio France. Madvertise est une entreprise européenne spécialisée dans la publicité sur mobile. Gonzague de la Tournelle nous reçoit dans les locaux de son entreprise à Levallois-Perret, à quelques kilomètres de Paris. Gonzague de la Tournelle, comment on sait que la publicité va intéresser ou pas tel utilisateur de smartphone ? Alors on utilise ce qu'on appelle de la data. La data, ce sont des données qu'on va stocker pour avoir un meilleur apprentissage sur nos bases d'utilisateurs. Alors on ne va pas cibler quelqu'un en particulier, mais on va cibler des comportements d'usage. Si vous cliquez sur une pub, donc on va savoir que vous êtes plus sensible déjà peut-être à certains messages. Si vous êtes sur une application d'automobile, a priori vous vous intéressez à cet univers-là, donc on va essayer de vous pousser un peu plus de pubs liées à l'univers automobile. Si on fait la promotion d'une application, vous avez un iPhone, on va vous renvoyer vers l'App Store, vers la bonne page, etc. Si vous êtes dans une zone de chalandise identifiée, on va vous proposer le magasin le plus proche, etc. Donc on va essayer d'exploiter un maximum de données pour vous pousser la publicité qui corresponde le mieux à vos attentes. Alors ce n'est pas une science parfaitement exacte, mais en tout cas on va essayer d'exploiter au mieux cela pour pouvoir vous proposer le meilleur message qui vous intéresse. Donc il y a des algorithmes en fait qui vont, en fonction des données que vous avez sur une personne, dire il appartient à tel groupe de personnes, il va être plutôt un homme, plutôt une femme, etc. Exactement, on utilise ce qu'on appelle une DMP, donc une base de données, on va dire, dans laquelle on va segmenter. Alors sur certaines applications, on va vous demander de vous loguer. Et quand vous vous loguez, vous êtes au préalable inscrit en disant si vous étiez un homme, une femme, où est-ce que vous habitez, etc. Donc certaines applications vont nous donner ces informations-là, qu'on va ensuite coupler aux informations qu'on a, nous, sur vos types de navigation ou vos types de contenus que vous regardez, pour pouvoir vous proposer quelque chose de plus ciblé. Et a priori, si c'est mieux ciblé, ça va plus vous intéresser. Donc il y a plus de chances que derrière, vous cliquiez, que vous achetiez, ou vous rendiez un magasin, ou vous demandiez plus d'informations, ou vous remplissiez un formulaire, etc., etc. Dans certains cas, alors j'insiste beaucoup là-dessus, c'est sur la base du consentement de l'utilisateur. Donc pour avoir son consentement, il y a un petit pop-up qui s'affiche, et qui demande à l'utilisateur son autorisation d'utiliser le micro à des fins commerciales. la même façon qu'on peut aussi lui demander d'utiliser des données, les fameuses data dont on parle, à des fins commerciales pour diffuser de la bonne publicité. Et donc, certaines applications peuvent avoir ce SDK embarqué qui va permettre effectivement d'écouter les publicités de TV uniquement, puisque ça, il y a un algorithme qui va permettre d'identifier que des publicités télévisuelles et qui, effectivement, derrière, vont nous permettre de pouvoir proposer une publicité en affinité avec ce qui est passé à l'écran. Ça peut être effectivement pour un concurrent ou pour venir renforcer la prise de parole de l'annonceur. On est en train de travailler pour faire ça avec des émissions. C'est-à-dire que si vous regardez Top Chef, a priori, vous êtes plutôt intéressé par l'univers culinaire, etc. Donc on travaille pour identifier des émissions ou des typologies d'émissions. Le réseau n'est pas très bon. Effectivement, votre réseau n'est pas très bon, mais je crois que la protection de votre vie privée ne l'est pas non plus. Et alors, pour le cas de vous venez acheter de la bière dans un supermarché, pour peu que vous ayez payé avec votre carte bancaire, eh bien, il y a des partenariats entre Visa, Mastercard, etc. et d'autres entreprises, comme Google, par exemple, pour pouvoir corréler ce que vous avez vu en ligne et ce que vous avez fait dans la vraie vie, notamment en partageant votre liste d'achats. Mais il y a toute la couche aussi des objets connectés qui permettent de rajouter encore plus de données, que ce soit les bracelets avec lesquels on peut faire du sport, les montres, etc. Oui, oui, tout à fait. Par exemple, les bracelets pour faire du sport, donc collectent des données de santé. En tout cas, enfin, font des mesures de santé qui sont ensuite envoyées à l'application pour avoir, enfin, son application compagnonne pour avoir des belles courbes, savoir si on a pris, perdu du poids, est-ce qu'on a amélioré ses performances en termes de course à pied, etc., etc. Et ces données sont parfois envoyées dans le cloud, le nuage. En tout cas, sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et après, on ne sait pas ce qui en est fait. Donc, il y a un peu une vision narcissique de nous-mêmes. En tout cas, c'est ce qu'on appelle le quantified self. Alors, avec mon accent anglais tout à fait balbutiant, qui est de soi-même, en fait, entrer des données dans nos téléphones, dans nos objets connectés, etc. Et on voit très bien que ces données nous échappent. Ah oui, totalement, oui. Oui, puisque alors, au début, les micros connectés, enfin, enceintes connectées, Alexa et Google Home et compagnie, en fait, les personnes qui ont commencé à utiliser ça ne se rendaient pas forcément compte de ce qui se passait derrière. Et des objets connectés comme ça, en fait, aux États-Unis, ont été, entre guillemets, appelés à témoigner à la cour pour résoudre des problèmes de meurtre, etc., etc., quoi. Donc ça veut bien dire que, de toute façon, la donnée, elle est stockée quelque part, elle est réquisitionnable quelque part. Comme mon smartphone, tout objet connecté à Internet peut donc récolter des données sur moi et mes activités. La chercheuse Shoshana Zuboff note dans son livre « À l'âge du capitalisme de surveillance » l'exemple du thermostat Nest, produit par la maison mère de Google, Alphabet. Je cite « Le thermostat Nest se sert de capteurs de mouvement et de calculs pour apprendre le comportement des habitants de la maison. Les applications Nest peuvent rassembler des données depuis d'autres produits connectés, comme les voitures, les fours, les applis fitness ou les lits. Parce qu'il y a aussi des lits connectés. Mais je dois vous avouer que moi je n'utilise pas d'objets connectés, ou alors je n'en ai pas conscience. En revanche, je passe plusieurs heures par jour à surfer sur Internet à partir de mon ordinateur. Et aujourd'hui, le web est aussi truffé de capteurs. On les appelle, dans cette situation, des cookies. La CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, a développé CookieViz. C'est un outil disponible gratuitement sur leur site qui, à l'image de l'application d'Exodus Privacy, rend visible le traçage de notre activité quand on surfe sur Internet. Les bureaux de la CNIL se trouvent à quelques pas de la maison de la radio, dans le 15e arrondissement de Paris. La commission est hébergée dans les services du Premier ministre, dans un grand immeuble très sécurisé et tout juste rénové. J'y rencontre Armand Eslo, le chef du service de l'expertise technologique de la CNIL. Passe lorsque vous allez sur le web, c'est qu'effectivement sur les sites web, potentiellement on va collecter des données sur vous. Alors ces données peuvent être relativement variées, ça peut être vous qui les fournissez sur certains sites web. Si vous inscrivez une newsletter sur un site web, ils auront votre adresse mail. si vous achetez quelque chose en ligne et que vous donnez votre âge, votre adresse, ils l'auront forcément. Et un peu de la même manière, donc sur les sites web, il y a aussi des outils, des traceurs qui sont susceptibles de suivre votre navigation et donc du coup de collecter ces informations-là, qui sont collectées d'une manière qui est reliée à vous, plutôt à votre terminal de navigation, mais in fine à vous, et qui donc constituent des données à caractère personnel. Il y a un certain nombre d'acteurs sur le web donc qui sont des acteurs publicitaires et donc qui vont récupérer les données qui sont générées lorsque vous naviguez sur des sites. Donc ils vont vous attribuer un numéro de cookie, qui est un identifiant unique, une petite étiquette en fait, un petit peu comme si on vous collait un post-it sur le dos à l'intérieur d'un magasin avec un numéro unique. Et ensuite ils vont regarder, par exemple sur un site de vente en ligne, ils vont regarder les produits que vous regardez. Bah tiens, il a regardé tel paquet de céréales et puis il repose dans le rayon. Et puis quand vous allez passer en caisse, par exemple, ils vont venir vous afficher de la pub pour vous dire « T'es sûr que tu veux pas acheter le paquet de céréales que t'as regardé tout à l'heure ? Eh ben tiens, regarde, je te fais une promotion, etc. » Voilà, je le décris de façon un peu triviale et rapide, mais c'est un peu le principe de la publicité ciblée. Et donc, du coup, il y a un ensemble d'acteurs, effectivement, dont c'est le métier, qui vont donc, pour faire ces opérations-là, donc vont suivre la navigation sur l'ensemble des sites pour créer un profil publicitaire. Donc là, j'ai pris un exemple très simple, qui est un exemple de retargeting. Mais il y a d'autres types d'offres de ciblage publicitaire, parce que quand on a l'ensemble de la navigation d'une personne sur un grand nombre de sites, on peut en déduire des données socio-démographiques, on peut être capable d'inférer son âge, son sexe, sa CSP, on peut en déduire ses centres d'intérêt, et ensuite, à partir de ces critères, il crée des audiences qui sont capables de vendre à des annonceurs. Et à la fin de la chaîne, en général, quand vous allez sur un site web qui est financé par la publicité, donc en général des sites web pour lesquels vous ne payez pas directement en monnaie sonnante et trébuchante, des sites des journaux en ligne, par exemple. Donc sur ces sites-là, le journal en ligne va vendre ses emplacements publicitaires via ces entités-là. Et donc pour vous afficher la publicité, on va utiliser les données en question qui ont été collectées sur vous pour aller chercher la bonne campagne publicitaire, celle pour laquelle il y a le plus de chances que vous soyez intéressé et pour laquelle l'annonceur voudra payer le plus cher possible. Cela me rappelle une phrase qui est désormais célèbre dans le monde numérique. Quand c'est gratuit, c'est moi le produit. Elle décrit particulièrement bien cette économie de la surveillance dont je commence à comprendre l'ampleur. De plus en plus de chercheurs adoptent d'ailleurs l'expression de capitalisme de surveillance, à l'image de l'universitaire Shoshana Zuboff. Voilà la définition qu'elle donne de ce terme. Le capitalisme de surveillance revendique unilatéralement l'expérience humaine comme matière première gratuite destinée à être traduite en données comportementales. Ces données comportementales vont être transformées en produits de prédiction qui anticipent ce que vous allez faire maintenant, bientôt, plus tard. Enfin, ces produits sont négociés sur un nouveau marché, celui des prédictions comportementales que Shoshana Zuboff appelle les marchés de comportement futur. Car à partir de nos données personnelles brutes, les entreprises déduisent, grâce à des algorithmes, d'autres informations plus précises encore sur nos modes de vie, nos désirs ou nos humeurs. Et les informations ainsi obtenues peuvent parfois être très intimes, comme le souligne Esther. Nos habitudes de consommation sont, entre guillemets, tellement prédictives qu'un petit changement dans notre habitude va en dire long, en fait, sur la réalité de nos vies. Et donc, par exemple, il y a des cas documentés où il y avait un souhait d'expérimenter la promotion de protection hygiénique pour des femmes de plus de 35 ans qui ont eu au moins 3 enfants et donc qui fort probablement souffrent d'incontinence. Et en fait, ces informations-là, dès lors que vous prenez une carte de fidélité dans un supermarché, en fait, ces informations-là sont assez simples à déduire. Puisque savoir combien vous avez eu d'enfants, eh bien, il suffit de compter le nombre de cycles d'achat de couches, par exemple. Ce qui donne un peu un indicatif de votre âge, ça va être ceci. Et en plus, vos habitudes de consommation, puisque généralement, en fonction de l'âge et la catégorie socio-professionnelle, ce ne sont pas les mêmes types de produits qui ont été achetés. Et puis, détecter que cette femme, par exemple, achète de façon constante et régulière des protections hygiéniques, peut indiquer que du coup, elle l'utilise au quotidien, et donc donner une information supplémentaire sur son état de santé. Là, on parle de carte de fidélité, entre guillemets, physique en magasin. Mais tous les achats qu'on va faire à travers Amazon, nos paiements en ligne via PayPal ou même via notre carte bleue, en fait, viennent alimenter une sorte de carte de fidélité en ligne. On ne sait pas où elle est, mais elle existe, quoi. Je regarde les services gratuits que j'utilise sur Internet sous un autre jour. En Europe, la législation oblige depuis 2016 les entreprises à me laisser accéder aux données qu'elles détiennent sur moi. J'ai donc pu fouiller dans le petit dossier que Twitter conserve à mon sujet. L'entreprise me perçoit comme un homme et possède à peu près 300 de mes centres d'intérêt. Selon eux, ceux-ci vont de la députée américaine Alexandra Ocasio-Cortez à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, en passant par le changement climatique, la série Dark sur Netflix, que c'est vrai, j'avais bien aimé, les jeux vidéo, mais ça j'en fais pas mystère, ou encore la photographie, les podcasts, la radio, ainsi que le thé. Sur mon profil Facebook, je peux aussi consulter les centres d'intérêt que me prête l'entreprise. On m'y voit comme un amateur de vin, de photographie, de films documentaires, de France Culture, de librairies, de jeux de cartes et de jeux vidéo. Facebook associe à mon profil des marques, de rasoirs par exemple, de voitures et de fast-food. Mais je ne sais pas comment je me retrouve à être catégorisé comme gay, proche de l'armée de défense d'Israël tout en étant sensible aux fêtes islamiques, aux pancakes et au Parti Socialiste Allemand. Mais la collection de données la plus perturbante reste celle de Google. Mon historique de recherche YouTube me fait peur. La musique que vous entendez sous ma voix, c'est le groupe Third Eye Foundation. Google sait que je l'ai écouté le 14 mai 2014 à 1h15 et 4 secondes du matin. Google sait aussi que le 1er novembre 2013 à 15h16 et 15 secondes, j'ai regardé la vidéo du journal Politis, des familles de Garges-Légonesse dénoncent une bavure policière. Dans le même dossier de Google est conservée la marque et le modèle des différents téléphones Android que j'ai eus au cours de ma vie. Je trouve aussi l'historique des achats que j'ai pu faire sur le Google Play de mon smartphone. Par exemple, j'ai acheté le jeu vidéo Final Fantasy VI pour 16,99€ le 17 août 2019 à 7h35. Le nombre de données que chacun de ces géants du numérique a sur moi est effrayant, ce qu'ils en déduisent les plus encore. Et pourtant, j'ai désactivé, lorsque c'était possible, la plupart des outils de profilage utilisés par ces entreprises. Ces informations ne sont pas utilisées uniquement pour me vendre une publicité ciblée, mais aussi pour capter mon attention. Je me suis rendu à Lyon pour rencontrer Guillaume Chalot. Cet ingénieur a travaillé pour Microsoft, puis pour YouTube. En 2013, déçu par ces entreprises, il a créé l'association Algorithm Transparency pour alerter sur les dangers de l'utilisation des algorithmes. Alors, notre travail à YouTube, c'était de faire un algorithme qui, en fonction de toutes les données de tous les utilisateurs sur YouTube, allait décider quelle vidéo leur montrer. Donc, YouTube gagne de l'argent à chaque fois que vous regardez une publicité sur YouTube. Donc, en fait, l'idée depuis environ 2010, c'est de vous faire rester le plus longtemps possible sur YouTube, parce que du coup, plus vous restez longtemps, plus ils auront de chances de pouvoir vous montrer une publicité. Donc on n'essaye pas de vous montrer ce que vous voulez vraiment voir, on essaye de vous montrer ce qui va vous faire rester longtemps. Donc on peut se dire que c'est la même chose que la télévision, en fait, parce que la télévision aussi, c'est du temps d'audience, du temps de cerveau disponible. Mais il y a des grosses différences avec la télévision. Une première grosse différence avec la télévision, c'est que la télévision, en fait, il y a toujours un humain qui contrôle ce qui va être recommandé aux gens. Alors que là, sur YouTube, c'est un algorithme. Donc l'algorithme, il peut partir, à des moments où on l'a vu partir recommander des contenus extrémistes, terroristes, faux, des théories du complot, et il n'y a pas de contrôle. Par exemple, sur la Terre plate. Donc tout le monde pense que la Terre est ronde, mais à un moment donné, YouTube a promu massivement des vidéos de Terre plate à certaines personnes qui étaient proches de vidéos complotistes et après les a bombardés de vidéos de théorie de Terre plate. Pourquoi ? Parce que ceux qui passaient du temps à regarder des vidéos de Terre plate passaient des heures et des heures sur YouTube. Moi, par exemple, quand j'ai eu le Covid, j'ai été très très fatigué, j'ai passé du temps à scroller sur Facebook parce que je pouvais rien faire d'autre. Et là, je me suis rendu compte que Facebook a vu que j'avais aimé Mario Bros quand j'étais petit et m'a recommandé des vidéos de Mario Bros. Et je me suis mis à regarder des vidéos de Mario Bros parce que, En fait, il y avait une association émotionnelle avec mon enfance. Et cette association a été détectée par l'algorithme de Facebook, qui maintenant me recommande du Mario Bros très régulièrement pour essayer de me piéger, pour me faire regarder ça. Finalement, j'ai pas envie de regarder du Mario Bros toute ma vie, mais l'algorithme a détecté cette faiblesse. Tant qu'on est dans un business model comme ça, et tant que les utilisateurs ne comprennent pas que ce business model est toxique, en fait, il n'y a pas d'échappatoire. Je me suis acheté une machine qui ne fabrique rien. Chaque fois que j'y mets 20 centimes, elle me répond merci bien. Il y a des boutons partout, les boutons, moi ça me rend dingue. Je les appuie tout d'un coup, ça fait plus de bruit qu'un flingue. Je me suis acheté une machine à tuer l'ennui. Mais la seule chose qui m'ennuie, c'est qu'elle me pique mes centimes. Je me suis acheté une machine à reculer le temps. Je la mets dans ma cuisine, pour les œufs c'est épatant. Il y a des lumières partout, le néon moi ça me rend dingue. Je les allume tout à coup, elles se reflètent sur le zinc. Je me suis acheté une machine à l'hydroflexinus. Elle prévoit tout ce qu'on devine, y'a un cerveau à rébus. Je me suis acheté une machine, je ne peux plus m'en séparer. Je me prends pour ma machine et je ne sais plus rêver. Mais je sais qu'un jour viendra, c'est sûr je prendrai le dingue. Je la jetterai loin de moi pour ne plus voir ce batrague. Je me suis acheté une machine qui ne fabrique rien. Un gadget, un coup de centime, sans doute j'en avais besoin. Sans doute j'en avais besoin. L'économie de la surveillance est d'abord une économie qui émerge depuis longtemps, qui a émergé depuis les années 60. Christophe Mazzuti, historien et philosophe des sciences et membre de l'association Framasoft. Là où on peut dire que Google et enfin les GAFAM en général ont inventé quelque chose en matière de surveillance, c'est dans l'extrême finesse et dans les moyens techniques qu'ils ont apportés à une pratique qui est déjà ancienne. Shoshana Zuboff, par exemple, dit que Google a inventé le capitalisme de surveillance dans le sens où, pour faire face à la logique start-up des débuts de Google, Google a dû, pour rentabiliser un petit peu son modèle qui n'était finalement qu'un moteur de recherche, proposer à ses actionnaires des moyens pour gagner un peu plus d'argent, à savoir se transformer en régie publicitaire, ni plus ni moins. Or, ça, c'est déjà quelque chose qui est tout à fait dans les mœurs depuis, on va dire, depuis l'invention de l'informatique. Il y a une entreprise de commerce de détail qui s'appelle Sears aux États-Unis, qui, dans les années 80, était vraiment la grande entreprise avec des grandes tours un petit peu à la Dallas. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont inventé ? Ils ont inventé un système qui s'appelle Prodigy. Donc, l'idée, c'est de proposer à des, aux consommateurs des catalogues de vente en ligne. Donc, en utilisant, d'ailleurs, le protocole Videotex, qui est le même que nous aurons un petit peu plus tard avec le Minitel. Partenariat avec IBM pour fournir aux gens aussi des terminaux, des petits ordinateurs. Et donc cet accès individuel au catalogue ne pouvait pas se contenter de juste offrir la possibilité d'avoir accès à un catalogue et de pouvoir payer à distance les commandes. Il fallait aussi, pourquoi pas, s'associer avec des sociétés de crédit pour pouvoir, là aussi, proposer un crédit à distance au moment de payer. Et puis, pourquoi pas aussi accompagner tout cela d'un tout un appareillage entertainment, qu'on va dire, qui permettait aux gens d'obtenir des informations, la météo, et puis surtout, ce qui est né là, à ce moment-là, un système de chat, un système de forum, chat forum, un peu un mélange des deux. Et ce qu'a fait Prodigy, bah, c'est tout simplement récolter de cette manière-là un maximum de données sur ses consommateurs. C'est-à-dire que les consommateurs, par leur habitude de consultation de toute la partie entertainment, allaient pouvoir être profilés et la publicité ciblée pouvait être faite directement sur l'écran terminal du consommateur. Et c'est peut-être là aussi qu'on a effectivement eu un effet bascule où... on a pu élaborer des systèmes automatisés de démarchage contextuel en fonction des habitudes des consommateurs. Mais c'est avant Internet, enfin c'est avant le web, on va dire. Jacques de la Tournelle, vous êtes aujourd'hui un acteur européen, le plus important et à marquer indépendant sur quand on veut voir votre site internet. Indépendant de quoi et de qui ? Il faut savoir que c'est un marché où plus de 90% des investissements vont chez les GAFA. Donc il y a pas mal de petits acteurs comme nous qui se battent pour ce qui reste. Donc on est aussi une alternative aux GAFA. Donc c'est important de le faire savoir. On a cette indépendance qui est de pouvoir travailler qui on veut, comme on veut, et de pas dépendre d'un bureau dans la Silicon Valley. Est-ce que vous pouvez vous coaliser avec d'autres acteurs du secteur, justement, pour peut-être augmenter vos bases de données ? C'est des choses qui peuvent se faire. Il y a beaucoup de sociétés, par exemple, aussi, qui ne vendent, exploitent que de la data. Et donc, ils vont proposer qu'on mette en commun, effectivement, ces données pour créer des segments d'audience encore plus étendus et plus riches et plus importants. Donc oui, ce sont des choses qui se font. Donc on peut acheter aussi des données que vous ne récupérez pas vous-même, mais qui sont vendues. On peut acheter des données brutes, ou traitées d'ailleurs. Enfin, il y a une multitude d'acteurs qui existent dans ce domaine-là. Nous-mêmes, on vend aussi de la donnée brute. Donc après, c'est l'acheteur de l'exploiter, de la mettre et de la segmenter justement pour créer de la valeur et de la richesse par-dessus. Et d'autres sociétés proposent aussi effectivement de vendre de la donnée qui a été traitée. Donc ils vont recréer des segments d'audience de ce type-là, qui vont derrière permettre d'aller acheter, alors là je vais vous noyer, en programmatique. Le programmatique, c'est un système d'achat aux enchères. Aujourd'hui, quand vous vous connectez sur une application, en un millième de seconde, il y a une information qui va nous dire, attention, on a tel type d'utilisateur, qui a tel type d'endroit, qui a tel type de téléphone, etc., donc tout ce qu'on a dit avant, qui est en train de charger l'application Radio France. J'envoie cette donnée aux enchères à plein d'acheteurs, qui vont enchérir en disant « ça m'intéresse, ce profil-là m'intéresse, je mets une enchère, 1 centime, 2 centimes, etc. etc. » pour lui diffuser mon message. Et donc il y a cette compétition qui se fait avec des centaines d'acteurs, tout ça en un millième de seconde. Vous arrivez, l'application se lance, et il y a une pub qui s'affiche. Ben voilà, il faut savoir que cette pub a été surenchérie par plusieurs acteurs pour pouvoir s'afficher chez vous. Et donc c'est ce qu'on appelle les ventes programmatiques. Quand on voit finalement l'image de façon globale, tout est interconnecté. Et tout le monde travaille avec tout le monde et tout le monde enchérit sur tout le monde. Et encore une fois, on va reparler de data. Ils vont nous dire, j'ai besoin d'avoir tel type d'utilisateur qui est en situation de mobilité, qui a tel type d'appétence, qui est tel type de consommateur, etc. Ils enchérissent, ils voient qu'on a ce type de client ou d'audience chez nous, pardon. Et donc, ils vont venir également l'acheter. Je commence à entrevoir une réalité dont je n'avais pas idée. Derrière les entreprises que j'identifie bien, comme Facebook ou Google, il y a un grand nombre d'autres entreprises que je ne connais pas et qui rachètent mes données, se les revendent et les louent les unes aux autres. Dans le livre de Vincent Caucase et Ismaël Alissat, La nouvelle guerre des étoiles, je découvre par exemple l'entreprise américaine Sift Science, qui crée des profils d'utilisateurs en réunissant de nombreuses bases de données. L'un des deux auteurs retrouve dans les données que l'entreprise a sur lui des messages échangés en privé sur différents sites, notamment sur le site Couchsurfing des années auparavant. Mais ce n'est pas tout. Je cite. Sift Science sait que Vincent a acheté un aller-retour Paris-Hô-Chi Minh sans escale le 18 juin 2017 à 11h55 depuis son domicile, sur son ordinateur portable et avec une carte de crédit. L'entreprise détient également un historique précis de lieux, d'horaires de connexion, de numéros de téléphone, de navigateurs internet, d'adresses IP ou de logiciels qu'il a pu utiliser ces deux dernières années. Ces entreprises, qui constituent et développent d'immenses bases de données pour en faire commerce, s'appellent en anglais des data brokers et en français des courtiers de données. Parmi les plus célèbres, on peut nommer Experian ou Epsilon, mais aussi des français comme Weborama ou la filiale de La Poste, Mediaprism Group. Christophe Mazzutti fait remonter la création de cet écosystème aux années 1960. La société Axiom lui paraît particulièrement bien illustrer cette histoire. L'entreprise est née en 1969 en Arkansas, aux États-Unis, sous le nom de Demographics. Demographics, c'est d'abord une entreprise qui est adossée à une industrie. C'est la Ward Company, c'est une fabrique de bus scolaires. Bon, pourquoi ils ont besoin d'ordinateurs ? Parce qu'ils ont besoin de sécuriser leurs bus et de modéliser les structures métalliques des bus. Et puis, ils ont aussi besoin de data pour pouvoir analyser aussi les législations différentes, puisque s'ils veulent vendre des bus dans différents États et dans différents pays, ils ont besoin aussi que les contraintes et les normes de leur fabrication collent avec celles des pays. Donc, ils ont besoin d'ordinateurs pour analyser tout cela. Et il faut savoir que le PDG de la Ward à l'époque, Charles Ward, il est grand copain, c'est un grand responsable du Parti démocrate de l'Arkansas. On sait, depuis les années 50, les partis démocrates et républicains s'équipent en ordinateur. Alors pourquoi ils s'équipent en ordinateur ? C'est pour modéliser les votes. Et puis pour pouvoir avoir vraiment une idée très précise de la manière dont l'opinion se forme et se cristallise dans le vote à un moment donné lorsqu'il s'agit de nouvelles élections. Dans l'Arkansas à cette époque-là, il y avait donc c'était le parti républicain avec Winthrop Rockefeller qui était élu à ce moment-là. Et c'était le premier républicain qui était élu à l'Arkansas. D'habitude, c'était toujours des démocrates. Donc, Ward propose de mettre à disposition du Parti démocrate son ordinateur, qui est un gros IBM 360. Ce faisant, il crée une société qui s'appelle Demographics, et il va aller recruter chez IBM des super ingénieurs qui vont être capables à la fois de proposer une analyse de data, donc pour faire du public postage, c'est-à-dire cibler vraiment les gens qui vont aller voter, d'un côté, puis de l'autre côté, essayer de donner aussi quand même un petit peu de rentabilité à cette entreprise en proposant justement de faire des démarchages publicitaires pour les autres entreprises locales de l'Arkansas. Et petit à petit, ces super ingénieurs, dont un en particulier qui s'appelle Charles Morgan, qui est aujourd'hui encore PDG de Axiom, enfin l'un des PDG de Axiom, il va développer cette entreprise à tel point qu'il va travailler vraiment un système d'automatisation du démarchage publicitaire à partir des entreprises, c'est-à-dire que lui, il récolte un maximum d'informations, donc des données comportementales de consommateurs et d'entrepreneurs, et va pouvoir revendre ces modèles à toutes les entreprises qui en font la demande, y compris à l'autre bout du pays. Et là, ils sont passés à l'entrepôt de données. C'est-à-dire qu'en fait, le plus important, c'était pas vraiment la rapidité, la vitesse d'exécution, des calculs, mais la quantité de données. Et aujourd'hui, Axiom dispose de près de 50 ans de données de consommation. Et avec ça, ils font des modèles qui sont juste formidables. À la limite, on pourrait même se dire qu'ils n'ont plus vraiment besoin de nouvelles data. Please welcome to the stage Alexander Nix, Chief Executive Officer, Cambridge Analytica. Ladies and gentlemen, honorable colleagues, it's my privilege to speak to you today about the power of big data and psychographics in the electoral process, and specifically to talk about the work that we contributed to Senator Cruz's presidential primary campaign. Cet homme à l'accent très anglais, c'est Alexander Nix, l'ancien PDG de l'entreprise de communication politique Cambridge Analytica. Dans cette conférence datant de 2016, il explique comment l'entreprise utilise les données personnelles à des fins politiques, notamment pour peser dans des élections. L'entreprise se félicitait alors de pouvoir créer des profils des individus américains avec des milliers de points de données, comme l'âge ou le lieu de vie, mais aussi des données commerciales et d'autres encore sur leur engagement politique. Il ne s'agissait plus d'envoyer la même publicité à toutes les femmes ou à toutes les personnes afro-américaines, mais de créer dans ces catégories des profils beaucoup plus fins basés sur la psychologie comportementale. Dans son livre « L'affaire Cambridge Analytica », Brittany Kaiser, une ancienne employée, explique comment il procédait. Elle prend l'exemple de la campagne du sénateur américain Ted Cruz pour les primaires du Parti républicain. Nos experts avaient analysé la base électorale dans l'Iowa et en Caroline du Sud, deux États clés au début des primaires. On y avait identifié respectivement un groupe de 82 184 électeurs susceptibles d'être convaincus et un autre de 360 409. Parmi ces indécis, notre équipe avait identifié quatre types de personnalités distinctes. Dans l'Iowa, il y avait les stoïques, les empathiques, les traditionalistes et les impulsifs. En Caroline du Sud, les groupes étaient en grande partie similaires, à une différence près. Au lieu des impulsifs, on avait rebaptisé ce groupe les individualistes. Afin de déterminer quelles étaient les principales préoccupations de chacun de ces groupes, les experts en données de Cambridge Analytica avaient eu recours à des modèles prédictifs, avec plus de 400 points de données démographiques et commerciales. Ils avaient ensuite segmenté encore davantage leurs membres afin de comprendre quels étaient leurs besoins individuels en matière de mobilisation, de persuasion et de soutien. Une fois cette typologie définie, nous préparions la communication. Les messages étaient élaborés sur mesure, en fonction de chaque électeur ou électrice, selon ses besoins. Un stoïque, concerné par la sécurité intérieure, l'immigration et la morale traditionnelle, allait recevoir des messages employant des mots comme « tradition »,« valeur », »,« passé », »,« action » et « résultat ». Le contenu devrait aller à l'essentiel et jouer sur la corde patriotique, s'en tenir aux faits et utiliser des images précises, comme la célèbre photo de ce détachement de Marines plantant le drapeau américain au sommet du mont Suribachi lors de la bataille d'Iwo Jima. Un message à destination d'une personnalité dite « empathique » était radicalement différent. L'accent était mis sur la famille et employait des mots comme « communauté »,« honnêteté » et « société » sur un ton chaleureux. Les publicités centrées sur la famille étaient particulièrement efficaces. Si un message sur la détention d'armes à feu indiquait le deuxième amendement, une assurance pour toute votre famille. Un autre sur l'immigration devait être un peu plus appuyé et jouer sur la peur. Pas question de prendre de risques avec nos familles, sécurisons nos frontières. Les individualistes de l'Iowa, eux, étaient plus réceptifs à un tout autre type de message. Il fallait employer les mots ou évoquer l'idée de résoudre et protéger. L'Amérique est la seule superpuissance du monde. Il est temps pour nous d'agir comme telle. En 2018, Cambridge Analytica a été mise en cause pour avoir récolté et utilisé de manière illégale des données de millions d'utilisateurs Facebook et de leurs amis. Ils furent aussi mis en cause pour avoir créé de la propagande dans le but de dissuader des électeurs hostiles à Donald Trump de se rendre aux urnes en 2016. Brittany Kaiser souligne d'ailleurs que l'entreprise visait en particulier des personnes qu'elle percevait comme fragiles ou névrosées. Aujourd'hui, la jeune femme met en garde contre l'utilisation des données personnelles en politique en rappelant que les technologies ont gagné en puissance depuis l'affaire Cambridge Analytica. En Europe, la législation sur les données personnelles est plus contraignante qu'aux États-Unis. Ce qui nous préserve d'un scandale de ce type assure qu'on zague de la tournelle. En ce qui nous concerne, on est loin de cet univers-là parce qu'effectivement, on n'a pas de données aussi précises que pouvait en avoir un Facebook. Et après, de façon très humble, on se limite à la promotion commerciale, j'ai envie de dire, pour des annonceurs tout à fait traditionnels. Aujourd'hui, les principaux annonceurs, ça va être la distribution, la grande distribution, l'automobile, la finance, le divertissement. Ça reste des acteurs très classiques. De toute façon, tout ce qui est publicité politique, tout ce qui est alcoolier, tout ce qui va être religieux, les armes, etc., etc., tout ça est évidemment interdit de facto en France. Donc le RGPD, effectivement, permet de protéger ou est censé protéger l'utilisateur. Après, on peut critiquer, on se prend sans cesse des pop-up, il faut accepter, on lit des cookies, je ne sais quoi, les gens ne le lisent pas. Mais en tout cas, voilà, c'est fait pour protéger l'utilisateur derrière, justement, sur l'usage et l'exploitation de ces données-là. Le RGPD dont parle Gonzague, c'est le règlement sur la protection des données personnelles qui est entré en vigueur le 25 mai 2018 dans l'Union européenne. Il est complété par un autre règlement appelé e-privacy. Ces deux règlements forment aujourd'hui le cadre légal de l'utilisation des données personnelles en Europe. Ils demandent aux entreprises qui collectent des données d'en informer les utilisateurs et de recueillir leur consentement. En France, c'est la CNIL qui est chargée de faire respecter ces directives. Pourtant, lorsque j'utilise l'outil CookieWiz, je m'aperçois que parfois, des cookies sont déposés sur mon ordinateur avant même que je puisse cliquer sur l'icône qui me permet d'y consentir ou de refuser. J'ai l'impression que tout le monde ne respecte pas forcément le RGPD, alors que cela fait plus de 2 ans qu'il est en vigueur. Pour Christophe Mazzuti, le problème principal n'est pas la question de la vie privée. Se focaliser sur cette question, ce serait risquer de ne pas voir ce qui pose problème aujourd'hui. Les données personnelles, on s'en fiche un peu en fait. Enfin, le RGPD, c'est vraiment la systématisation du consentement. C'est-à-dire, à partir du moment où je consens à donner mes données, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Mais à la limite, c'est pas vraiment ça qui est important. L'important, c'est de pouvoir avoir une identification, un tri social le plus fin possible, de manière à pouvoir influencer les comportements de groupe. Pas votre comportement à vous, monsieur Dupont. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un peu piège aussi de se battre un petit peu contre des moulins à vent, parce que c'est le piège de la vie privée. Il faut la défendre, et c'est du droit à être laissé tranquille, du droit au secret, du droit à avoir sa vie privée. Ça n'a rien à voir avec le commerce, en fait. C'est pour ça que, à ce point, quand on regarde un petit peu comment on en est arrivé là, je veux dire, pendant 50 ans, on a décorrélé la question commerciale de la question des dangers de la manipulation propagandiste commerciale. C'est-à-dire qu'en fait, on a lutté pour la préservation de la vie privée et on a fait des États les seuls régulateurs possibles du traitement des données personnelles, mais on n'a pas vu qu'en fin de compte, ce qui conditionne la rentabilité de nos économies de plus en plus, c'est justement la surveillance et l'influence comportementale. Et à partir de là, les États, je dirais, qui sont un peu coincés maintenant. Comment réguler un capitalisme qui repose, pour l'essentiel, sur la surveillance ? Cette forme d'impasse que décrit Christophe Masutti se retrouve dans plusieurs propositions faites autour des données personnelles. Par exemple, certains proposent que les individus puissent vendre leurs données personnelles plutôt que les céder gratuitement. Mais à part nous faire gagner quelques dizaines d'euros par an, le problème ne serait pas réglé pour autant. Des centaines d'entreprises continueraient à utiliser nos données à des fins publicitaires et potentiellement politiques. Et le danger serait toujours aussi grand. Dans son livre « L'âge du capitalisme de surveillance », Shoshana Zuboff évoque les dangers que fait peser ce système sur les démocraties occidentales. À la fin de sa préface à l'édition française, elle note une phrase qui retient mon attention. Le capitalisme de surveillance est une créature du XXIe siècle, qui ne peut être domptée que par des droits et des lois du XXIe siècle, qui attendent encore d'être formalisées. Si nous voulons combattre cette créature, avec quelques espérances de succès, il nous faut la connaître en profondeur. Durant toutes mes interviews, il me brûlait de savoir si d'autres entités surveillaient mon activité en ligne. Des États, par exemple. Et c'est ce que nous verrons dans le deuxième épisode de cette série. C'était « À l'ère de la surveillance numérique » avec Esther, Laurent Friche, Gonzague Delatournelle, Christophe Masutti, Armand Eslo et Guillaume Chalot. Merci à Jérôme Gorin et Johan Brunet. Lecture, Anne de Peufeillou. Prise de son, Laurent Macchietti, Martin Troadec et Valérie Lavallard. Mixage, Éric Boisset. Réalisation, Rafik Zelim. Coordination, Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire d'Antoine Tricot pour la série documentaire. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter via le smartphone, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast, sur l'application Radio France. Et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, géopolitique de la surveillance numérique. Mais en attendant, restez à l'écoute.